tous, vous êtes bien sur le 89.5 avec Radio Dio et aujourd'hui vous écoutez l'émission Cours Nils, le vieux monde est derrière toi. Aujourd'hui, Sarah et moi avons décidé de vous parler du cinéma, le grand art qu'est le cinéma, et surtout de son rapport aux jeunes et comment les jeunes le perçoivent. On s'est posé plein de questions vis-à-vis du streaming, vis-à-vis de l'évolution du cinéma au centre de nos vies et dans nos quotidiens, et surtout si ce 7e art a toujours autant d'importance pour les jeunes qu'il en avait pour nos parents et nos grands-parents. Donc avant de commencer un petit peu avec des interviews comme d'habitude, je vais laisser Sarah vous présenter une chanson qu'elle a choisie. Et bah moi aujourd'hui pour commencer cette émission, j'ai choisi A Forest, qui est une chanson du groupe The Cure. Elle est sortie en 1980, donc vraiment elle n'est pas toute jeune, c'était quand même il y a 45 ans. Mais elle a fait son grand retour dans nos oreilles, notamment avec le film L'Amour Ouf. Et en fait, c'est grâce au film L'Amour Ouf que j'ai découvert cette musique. Je pense que L'Amour Ouf, c'est vraiment le film qui a marqué mon année, sincèrement. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup apprécié. Et qui m'a permis du coup de découvrir cette musique que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons, parce que déjà elle me rappelle le film, et une de mes scènes préférées dans le film, que je trouve vraiment la plus marquante, la plus symbolique, c'est la scène où Jackie et Clotaire dansent ensemble dans un espèce de monde qui n'est pas vraiment la réalité. Et j'aime beaucoup cette petite parenthèse en musique et en danse. Et voilà, tout de suite on écoute A Forest de The Cure. Thank you. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, pour cette petite parenthèse musicale avec une super chanson remise au goût du jour par l'amour ouf. Et puis, après ce petit intermède, je vous propose d'écouter les interviews que nous avons faites de deux jeunes et une professeure, tout aussi jeune d'ailleurs, qui ont bien voulu nous répondre. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Nils, je suis en terminale au lycée Fauriel et je suis ambassadeur Méliès depuis un an, enfin c'est ma deuxième année. C'est quoi être ambassadeur du Méliès ? C'est regarder beaucoup de films, regarder des films en avant-première, surtout tous les mois on regarde deux films en avant-première qu'on va ensuite organiser sous forme de séance spéciale. On organise des rencontres, des fois avec des acteurs, des films, le réalisateur ou des gens du film, ou des fois des associations, etc. On a aussi beaucoup de... Le Méliès nous organise beaucoup de journées un peu spéciales, par exemple... En février, on va aller au festival d'Annonay. Une journée comme ça, paf. L'an dernier, on est allé à plusieurs expos. On a fait le musée des miniatures, où il y avait une expo sur le cinéma. Enfin, il y a toujours une expo sur le cinéma. Non, je confonds. Si, c'est ça. on a fait le musée du cinéma. On a fait le musée des Frères Lumière. Enfin, voilà, on a fait plein de choses comme ça. Et puis notre but aussi, notre principal, c'est de diffuser un peu le cinéma autour de nous et de donner envie aux gens et aussi aux jeunes d'aller au Méliès. Et c'est quoi le dernier film que tu as vu au cinéma ? C'est pas le dernier, mais j'ai vu La plus précieuse des marchandises. Et il y avait mon prof d'AGSP juste à côté. Voilà, c'était bien. Pour toi, est-ce que le cinéma, il a autant de sens quand on le voit dans une salle ou quand on le voit chez soi ? Je trouve qu'une salle de ciné, ça donne... t'es beaucoup plus immergé dans le film. Ça, c'est un peu bidon de dire ça, mais quand t'es chez toi, tu peux très vite partir du film, tu peux très vite sortir de l'histoire, tu peux très facilement... te déconcentrer et être concentré sur autre chose, alors que dans une salle de cinéma, a priori, il n'y a pas trop d'autres distractions. Donc même si le film est horrible, tu vas rester dedans et c'est assez flippant de partir d'une salle de ciné au plein milieu. Donc jamais tu vas sortir d'une salle de ciné en plein milieu. Du coup, tu restes et du coup, tu vois des films des fois que t'aimes pas, mais tant pis. Et du coup, ça permet aussi de voir des films que tu vois pas forcément... Quand tu commences un film chez toi et que tu l'aimes pas, tu l'arrêtes et puis tu vas te coucher ou tu fais autre chose. Est-ce que tu trouves que le contenu des plateformes de streaming est mieux ou moins bien que les films qui passent au cinéma ? Je n'ai aucune plateforme de streaming. j'ai juste vu deux séries qui, je sais, sont sur Netflix ou une autre plateforme. J'ai vu Mercredi et j'ai vu L'Attaque des Titans. Les deux étaient super bien. Mais t'es pas la meilleure personne pour juger sur laquelle. Non, je pense que c'est différent. Je pense que et puis ça permet aussi d'avoir d'autres choses. On va pas passer une série au cinéma. C'est deux choses différentes. C'est vraiment deux contenus assez différents. Est-ce que à tes yeux, le cinéma il est toujours engagé ? Oui. Déjà parce que. En fait, tous les films sont engagés, même Iron Man de Marvel, même le dernier Iron Man nul, je sais pas ce que c'était, mais c'est quand même engagé, il y a toujours un truc, enfin, on peut pas faire un film pas engagé, surtout que tous les films que je vois, ils sont au Méliès, bon, sauf Marvel du coup, mais j'en ai vu un, ça compte pas, et au Méliès, clairement, il n'y a pas de film pas engagé, en plus ça n'existe pas, et... Je pense qu'un film engagé, c'est un film qui fait passer un message un petit peu politique. Et il n'y a pas de film qui passe pas de message politique. Même les plus infimes, même les plus bidons, même les plus petits, il y en a toujours un, en fait. Est-ce que tu penses que le cinéma y touche autant la jeunesse qu'avant l'ère du streaming, donc avec Netflix, Amazon Prime, tout ça? C'est-à-dire que est-ce que le streaming a permis aux jeunes d'être plus proches du cinéma? Oui, ou alors est-ce que justement ça a biaisé ou changé leur rapport au cinéma? Je connais pas beaucoup de gens qui... Enfin, je pense qu'il y a vraiment deux genres de personnes, des gens qui vont beaucoup au cinéma, et des gens qui regardent beaucoup de séries et de films en streaming. Et moi je vais beaucoup au Méliès, donc je vois très bien qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais ça c'est le principal problème du Méliès, et c'est pour ça qu'on est là. Mais il y a d'autres cinémas où il y a beaucoup de jeunes, et je pense pas que... Je pense pas que... Non, le streaming c'est un truc en plus. C'est quoi ton rapport au cinéma? En quoi le cinéma il a un impact dans ta vie? À chaque fois que je vois un film, après pendant deux nuits, enfin s'il est un minimum, je peux ne pas réussir à m'endormir bien, et je peux me cacher sous la couette. C'est très bien de se cacher sous la couette. Non, mais à chaque fois que je vois un film, après je me cache sous la couette, clairement. Parce qu'il t'a fait peur, ou pour quelle raison? Oui, en fait tous les films me font peur. Soit ils me font peur parce que genre il y a un monstre et tout machin. Soit ils me font peur parce que bah c'est une dystopie et ça montre des trucs horribles, et ou soit ils me font peur parce qu'ils sont super joyeux et que je trouve ça un peu bizarre et tout. Ok, bah on arrive à la fin. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Au Méliès, bientôt il y a deux films qui sortent qui sont super. Le premier c'est La Pampa qui sort le 5 février, c'est un super film. Je pense que si vous connaissez Artus, vous allez aimer Artus et vous allez vouloir aller voir le film, même si c'est pas le personnage principal. Il a un rôle qu'on n'attend pas du tout de lui et qui est vraiment très différent de ses autres rôles. Si par exemple vous aviez vu un petit truc en plus, c'est clairement pas la même chose du tout. C'est assez surprenant d'ailleurs. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont incroyables. Pour pitcher un peu le film, c'est l'histoire principalement de deux amis qui vivent donc en campagne et qui adorent le motocross. Donc il y en a un des deux qui est champion, enfin qui veut devenir champion de motocross et qui fait des compétitions de motocross. Et un jour, il y a son ami qui va découvrir un secret entre lui et quelqu'un d'autre. Et c'est le principal axe du film. Mais le film ne tourne pas autour de la personne à qui appartient ce secret, mais la personne qui va découvrir le secret, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et donc on va voir un peu tout son point de vue à lui, donc c'est assez bien. Et le deuxième film, c'est September and July. C'est un film assez surprenant et assez dur à voir. C'est l'histoire de deux sœurs, qui vivent, je sais pas exactement dans quel pays, je pense que c'est l'Angleterre, un truc comme ça. Un pays anglophone. Donc il y en a une qui, sans sa sœur, se fera harceler, et donc l'autre, sa sœur, la protège un petit peu, mais elle la protège un peu trop. Et il y a une relation entre les deux qui est vraiment très très bizarre, et c'est autour de ça que tourne le film. Je peux pas vous dire le truc, mais c'est très très bien. Et il sort le 15 février. Voilà. Et ben merci beaucoup, Nils. De rien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Jacqueline Gonzalez-Montagnon, je suis professeure au lycée Claude Fauriel depuis la rentrée 2019, et je suis professeure de lettres. Vous êtes investie dans différents projets, en particulier les Césars des lycéens. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est? Donc, le César des lycéens, c'est un prix qui ressemble à celui des professionnels. C'est-à-dire que les lycéens sont amenés à regarder les 5 films en lice proposés aussi aux professionnels, et les lycéens doivent élire celui qui leur a le plus plu, les a séduits, les a choqués ou leur a apporté quelque chose. Quels sont les films en lice cette année? Alors, cette année, nous avons 5 films qui sont Le Monte Cristo, nous avons L'Histoire de Suleiman, nous avons Miséricorde, Emilia Pérez et En Fanfare. Est-ce que pour vous, il est important le lien entre les jeunes et le cinéma? Alors, le lien est important, comme tout lien de la jeunesse avec la culture, me semble-t-il. Parce que la culture, en tout cas pour moi, c'est la meilleure façon sans doute de lutter contre l'obscurantisme, contre les clichés, les préjugés de tous ordres. Et je crois que par le cinéma, on accède à une forme d'humanisme et on apprend aussi l'histoire, la littérature. Ça permet d'amener aussi certains jeunes qui pourraient être un peu réfractaires par rapport à la lecture. Je pense que le cinéma peut être une entrée pour la lecture. Est-ce que pour vous, le contenu qui est proposé par les plateformes de streaming, donc par exemple Netflix et autres, est-ce que ce contenu il est différent de ce qui est proposé au cinéma? Ce que je peux dire, c'est que Netflix, il me semble qu'il y a de très bonnes séries et que là, c'est une offre qui peut être intéressante. En revanche, alors les films qui sont proposés sur la plateforme de Netflix sont vraiment de qualité très, très, très variée. Et c'est vrai que ceux qui sont produits par Netflix sont à regarder avec un sens critique peut-être plus aigu. Est-ce que vous pensez que les plateformes de streaming sont en train de remplacer le cinéma, le fait d'aller au cinéma dans une salle de cinéma, est-ce que c'est en train d'être remplacé par le streaming chez les jeunes? Alors j'espère pas. Je peux pas dire si ça va remplacer ou pas, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite pas parce que l'expérience du cinéma, l'expérience du collectif, rien ne peut la remplacer cette expérience. C'est-à-dire qu'être dans une salle et rire avec les autres, pleurer avec les autres dans l'obscurité d'une salle, je crois que c'est une expérience à vivre et qui ne peut pas être vécue, même si on a des amis à la maison, quelle que soit la taille de la télévision ou de l'écran que l'on puisse avoir, je crois que c'est quelque chose de particulier. C'est quoi pour vous un film dit classique? Oh, une icône. Ah, oh, mon Dieu. Alors, l'icône... Alors là, du coup, c'est une question très subjective. Je vais peut-être parler du film qui m'a peut-être amenée à voir le cinéma autrement comme une simple histoire narrative. C'est Duel, qui est un film de Spielberg, dans lequel on a un personnage qui est dans une voiture, dans ces grandes routes américaines, et il est poursuivi par un camion, un énorme camion, et le film n'est que ça. Le camion qui se transforme en une sorte de monstre qui paraît presque humanisé, puisqu'on ne voit jamais le chauffeur, et on ignore jusqu'au bout pourquoi, en fait, ce camion s'en prend à ce pauvre homme qui est un représentant, qui est dans sa petite voiture, et qui cherche visiblement à le tuer. Et en fait, il n'y a que ça dans le film, mais il y a une telle pression, il y a de telles images que l'on est emporté par finalement une non-histoire. Et je crois que c'est un des films qui, toute jeune, m'a vraiment marqué parce que ce n'était pas une histoire de personnages qui s'aiment, qui se détestent, c'est au-delà de ça. Et il y a ce côté mécanique qui est assez invraisemblable. Et c'est peut-être le film qui m'a le plus marqué. Est-ce que vous pensez qu'on dit qu'il y a des films... alors ce film, il faut le voir. Par exemple, Titanic, plein de films qui sont très, très connus, on va dire. Est-ce que vous pensez que ces films-là, c'est important de les faire passer de génération en génération? Alors, je ne sais pas. Il y a peut-être des films, alors parmi les classiques, des intemporels, oui, je pense qu'il y a des films qu'il faut transmettre de génération en génération, aussi par le discours qu'ils portent. Et là, je pense au Dictateur de Charlie Chaplin. Voilà. Pour moi, ce film-là, au-delà d'être une œuvre d'art, de mettre en œuvre un talent de réalisation, d'image, je crois que ce qu'il nous dit sur le danger du pouvoir et le danger aussi de la parole me semble intemporel. Et c'est vrai que, oui, ça fait partie des films qu'il faudrait ne pas laisser tomber dans les limbes, je pense. Est-ce que vous auriez une petite recommandation de film à voir, à nous faire ? Ou alors un film qui vous a marqué dernièrement et que vous voudriez partager ? Alors, dernièrement, alors je vais peut-être faire plaisir à des jeunes gens qui ont eu l'air très enthousiastes, mais je crois qu'un des films qui m'a le plus peut-être émue et dont je suis sortie avec beaucoup d'émotion, c'est L'Amour Ouf. L'Amour Ouf, alors bon, c'est vrai que c'est aussi ma génération, les années 80, donc j'ai retrouvé des musiques, les Cure, bien évidemment, donc ça pouvait être que enthousiasmant, mais j'ai trouvé que les personnages étaient hyper attachants. Et puis alors il y a la scène, vraiment, et ça je regrette que vous ne l'ayez plus, mais c'est le moment où le jeune homme va enregistrer sur une cassette différentes chansons pour les offrir à sa bien-aimée. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux. C'est un moment magique dans le film et qui renvoie en fait à une époque où vraiment c'est un cadeau hyper personnel et absolument touchant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre ? Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Que peut-être il vaut mieux aller voir des mauvais films que de ne pas voir de films du tout. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors bonjour, je suis élève de Terminal 5 au lycée Claude Fauriel à Saint-Étienne. Quand je te dis cinéma, tu penses à quoi ? Directement, je pense à, je sais pas pourquoi, Stanley Kubrick, parce que pour moi c'est celui qui a révolutionné le cinéma. Est-ce que tu vas souvent dans les salles de cinéma, toi ? Non, pas tellement, je les regarde beaucoup chez moi, surtout que je trouve que ces dernières années, il n'y a pas tant de très bons films qui sortent. Est-ce que tu préfères le streaming aux salles de cinéma ? Oui, parce qu'on a un plus grand choix. Et est-ce que tu trouves que le contenu des plateformes, donc tu m'as dit qu'il est plus divers, mais est-ce que tu trouves qu'il est mieux ou moins bien que ce qu'il peut y avoir dans les salles de cinéma ? Après, dans les salles de cinéma, c'est plutôt l'ambiance dans laquelle on est qui change. Mais par rapport, pour revenir au choix, on peut choisir la langue, les sous-titres, bien même la qualité, le son, et ça qui diffère. Pour toi, est-ce que le cinéma, au sens de l'art en général qu'est le cinéma, ça a autant de sens sur un petit écran tout seul que dans une salle de cinéma ? Est-ce que les films, ils ont le même sens quand tu les regardes seul qu'au cinéma ? Bon, soit le cinéma chez soi et le cinéma dans une salle de cinéma, c'est à peu près pareil. Hein. Pour toi, c'est pareil, du coup ? Ouais. Ok, c'est quoi pour toi un classique, un film classique, et qu'est-ce qui t'intéresse dans les films qu'on peut considérer comme classiques ? Il y en a plusieurs. En vrai, il y a des films qui peuvent te toucher. Des films qui peuvent toucher sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. Mais il y a aussi des films où, quand tu le regardes, tu te dis comment le réalisateur il a pu s'imaginer de telles choses. Genre, il a pu trouver une telle inspiration. La frontière entre les films et les séries, elle a tendance à disparaître aujourd'hui, justement avec le streaming et des épisodes de plus en plus longs, etc. Et est-ce que toi, tu préfères un de ces deux genres ? Est-ce que tu regardes autant de séries que de films ? Ou est-ce que tu préfères l'un ou l'autre ? Personnellement, j'ai plus regardé de films que de séries. Des séries, j'ai dû en regarder 4 ou 5 seulement. Mais d'après moi, c'est la seule chose qui diffère entre disons, ces deux catégories, c'est la longueur et le budget à mettre dedans. Est-ce que tu peux nous faire quelques recommandations de films que tu aimes bien, nous dire pourquoi ils te plaisent ? Je pense que je pourrais les faire selon les catégories. Avec, par exemple, j'aime beaucoup les romances comme The Notebook. Un autre qui m'a marqué, 50 Days of Summer. Il y a aussi les thrillers que j'aime beaucoup, notamment avec Zodiac de David Fincher. Les films de science-fiction aussi, comme 2001 Space Odyssey de Kubrick ou même Interstellar de Nolan. Scorsese, Taxi Driver, qui pour moi est plus sur le plan, disons, innovation, pas innovation, mais sur les plans de caméra, etc. Le son qui est beaucoup, qui est très intéressant pour, disons, pour l'année à laquelle il est sorti, en 1976. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Faut assumer d'aimer les romances, franchement. Nickel pour le conseil. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à ces trois personnes qui ont bien voulu nous répondre et qui nous ont apporté leur avis personnel, pertinent et surtout intéressant à propos du cinéma. Et avant de continuer un peu plus dans notre émission et dans notre réflexion, j'aimerais vous passer une chanson qui me plaît beaucoup, qui s'intitule « Running Up That Hill » de Kate Bush, que vous connaissez très probablement. Depuis le buzz qu'elle a fait avec les Stranger Things 4, la série, qui a en 2022, il me semble, fait comme pour A Forest avec l'amour ouf, fait vraiment renaître et remettre au goût du jour la chanson. Alors en fait, originellement, elle est sortie en 1985 sur l'album Hounds of Love de Kate Bush, qui était un album profondément ancré dans la new wave, dans l'innovation et plus largement dans la musique pop-rock, si ce n'est post-punk. Et tout d'abord, cette chanson, elle me plaît beaucoup pour le rythme qu'elle a et les mélodies, pour le style de musique qu'elle incarne en fait. Et puis aussi, j'ai beaucoup aimé voir le lien que le cinéma, mais en l'occurrence c'était une série, et on pourra en parler plus tard d'ailleurs. Est-ce que les séries sont du cinéma? Oui, non, pourquoi? Mais voilà, j'ai beaucoup aimé voir à quel point la musique peut être reliée de manière très intense au cinéma, à la vidéo et au jeu d'acteur, et à quel point elle peut coller parfaitement avec une situation ou avec des personnages, comme c'est le cas dans la série. C'est le moment où Max s'enfuit du grand méchant, pour dire les choses simplement. Et c'est particulièrement émouvant en regardant la série et même en écoutant la chanson seule. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous passer Running Up That Hill, que je mets tout de suite. Do you wanna feel how it feels? Vous êtes toujours sur le 89.5 avec Radio Duo. Vous écoutez Cours Niels, le vieux monde est derrière toi. Et tout de suite, on a entendu Running Up That Hill de Kate Bush, une petite chanson choisie par Delia. Vous avez sûrement remarqué qu'aujourd'hui, on n'est que deux en studio avec Delia. Mais on a quand même réussi à mettre un peu de cassante dans cette émission, parce que on va vous passer tout de suite une chanson qu'elle a choisie. Alors cassante, elle a choisi The Way We Get By de Spoon. Et on l'écoute tout de suite. We go to sleep to shake a pill, never wake up on our own. And that's the way we get by, so the way we get by. All that's the way we get by, so the way we get by. We go out in stormy weather, we rarely practice discern. We make love to some weird sin, we seek out the taciturn. And that's the way we get by, to the way we get by. All that, the way we get by, to the way we get by. That's the way we get by, to the way we get by, to the way. C'est la fin de cette petite parenthèse musicale et rythmée. Avant de passer à un petit débat pendant lequel, ou plutôt une petite conversation pendant laquelle on va parler un peu de tout ce qui s'est dit pendant les interviews, notre avis un petit peu autour des thèmes que soulève le cinéma, on va d'abord vous présenter avec Delia nos inspirations culturelles du mois de janvier. Alors, je vais commencer. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la série en bande dessinée qui s'appelle J'ai choisi de vous parler de Lou, qui est une série en bande dessinée de Julien Neal. Vous connaissez sûrement Lou, c'est ces personnages aux cheveux blonds et au style un peu rétro. Récemment, il y a une BD, il y a Génération Lou qui est sortie. Génération Lou, qu'est-ce que c'est ? C'est un gros pavé qui compile à la fois des dessins, des carnets, des petites BD exclusives de Julien Neal. Et en fait, dans ce livre, on voit un peu toute la recherche autour de ses personnages, autour de ses histoires. Et en fait, ça permet vraiment de comprendre comment Lou est né. La série Lou, elle a une place qui est vraiment super importante dans mon cœur, parce que j'ai grandi avec Lou. J'ai commencé à lire Lou quand je devais avoir 8 ans. Et là, aujourd'hui, j'en ai 18 et j'ai acheté Génération Lou il n'y a pas longtemps. Et j'ai vraiment grandi avec Lou. C'était un peu mon modèle quand j'étais petite, c'est un peu ce personnage. Il y en avait d'autres, c'est un peu comme les cahiers d'Esther aussi. J'ai grandi avec Lou et Esther, qui étaient un peu mes modèles. En plus, j'adore l'univers de Lou. C'est un peu réel, c'est un monde dans lequel on peut vraiment s'identifier. Mais il y a aussi un côté très imaginaire avec... Julien Neal, il a quand même inventé une langue pour Lou. C'est un peu C'est vraiment le monde de l'imaginaire, je trouve. Et j'adore les couleurs, les dessins, vraiment. J'adore la plume et le trait de Julien Neal. Donc vraiment, Lou, c'est une BD qu'il faut lire, je pense. Parce que c'est un peu, ça aborde des sujets un peu sérieux, mais avec beaucoup de légèreté. Et moi, c'est ça que j'adore. Aussi, ils ont fait, mais ça date un peu, ils ont fait une série animée des premiers tomes de Lou. Et on peut aussi écouter du Lou, puisqu'il y a un vinyle qui est sorti il y a peu de temps sur toutes les musiques du festival qu'a organisé Lou dans le tome 2 de la saison 2 de Lou. Donc voilà, Lou, c'est ma petite recommandation. Allez lire Lou. Et c'est vraiment une super BD, donc je confirme. Et puis moi, donc pour continuer sur ces inspi culturels, j'avais envie de vous présenter le film Aftersun, qui est sorti en 2022 et qui a été écrit et réalisé par Charlotte Wells, une réalisatrice britannique. C'était son premier film d'ailleurs, et incroyablement bien pour un premier film. Et c'est vraiment un film qui m'a marquée à la fois sur l'histoire que ça racontait. Et aussi sur la façon dont c'était filmé. Et puis ça paraît un peu cliché de dire ça, parce qu'on peut le dire de tous les films, mais c'est vraiment la sensation que le film et son visionnage dégageaient m'ont vraiment marqué. Je ne sais pas si un film m'a autant marqué les années d'après, ni 2023, ni 2024. Donc voilà, ça relate l'histoire d'une jeune fille en vacances avec son père. Donc c'est Sophie et Callum. Elle a 11 ans et ils partent dans une station touristique en Turquie pour quelques jours, une semaine il me semble. Et en fait, on a vraiment l'occasion de voir la relation père-fille et comment ils s'entendent, comment ils vivent ensemble, ce que ça fait aussi de grandir pour la jeune fille et d'être encore un jeune homme pour le père quelque part parce qu'il a 30 ans. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis ça m'a aussi intriguée de voir deux personnes partir en vacances en Turquie et rester à l'hôtel au bord d'une piscine. Et en fait, c'est un phénomène assez courant de vacances. C'est le type de vacances en fait all inclusive, je dirais, avec le logement, la piscine, etc. Et d'un autre côté, à aucun moment, ils vont pouvoir profiter des merveilles qu'il peut y avoir dans le pays où ils sont, même s'ils sont à des kilomètres de chez eux. Donc voilà, déjà ça m'a intriguée. Et puis surtout de voir la relation qu'avaient les deux personnages, ça m'a beaucoup plu. Parce que c'est hyper émouvant, on voit à quel point ils s'aiment mutuellement. Et aussi comme c'est compliqué de bien s'entendre, d'avoir les mêmes envies, parce qu'évidemment les personnages sont dans des tranches d'âge vraiment différentes. Du coup, leurs désirs et puis leurs opinions divergent pas mal. Et puis, un dernier truc qui m'a énormément plu, c'est que le film est filmé en partie avec une caméra, il me semble, qui s'appelle MD. C'est une caméra des années 80 que la jeune fille Sophie a avec elle. C'est un petit caméscope plutôt. Elle filme plein de plans comme ça. Ça fait vraiment un grain d'image hyper particulier. Et du coup, ça donne un aspect esthétique du film hyper happant et super joli. Ça m'a beaucoup plu. Et c'est vraiment une ambiance à part, ce film, que je vous conseille de voir et qu'on ne peut saisir que vraiment qu'en le voyant. Et il y avait aussi des super musiques, dont Under Pressure de David Bowie et Queen. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous la passer, pour vous faire un petit fondu avec le lien musique-cinéma. Et j'espère que ça va vous plaire. Yeah. turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Voilà pour cette petite intermède musicale aperçue de After Sun. Et je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film dont le visionnage est indescriptible par les émotions qu'il va vous procurer. Et moi, pour commencer un peu ce petit débat, j'aimerais revenir sur quelque chose que Nils a parlé. C'est que dans un cinéma, tu vas rester dans la salle même si le film est nul. Et ça, c'est quand même un pouvoir du cinéma, je trouve, parce que on a tendance aujourd'hui à se déconcentrer, à scroller très vite sur les réseaux, à pas finir ce qu'on regarde, à entamer des livres sans les finir. Moi, j'ai beaucoup tendance à faire ça. Ah non, surtout à entamer des séries que je ne vais pas finir. Ça, je le fais tout le temps. Et ouais, c'est fou ce pouvoir du cinéma, je trouve, et d'arriver à nous capter comme ça, c'est fou. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est rien que le lieu, la salle, le grand écran, l'obscurité, c'est vraiment, dans les personnes qu'on a interrogées, quasiment tous m'ont dit, c'est une expérience à part et t'es vraiment immergé. Et c'est vrai qu'avec les séries qui pourtant, sur le papier, semblent assez proches des films, c'est vraiment différent parce que Nils l'a dit, on ne diffuse pas de séries au cinéma. Et du coup, le fait de voir les films dans une salle de cinéma, ça change peut-être même le film en lui-même, ou du moins la perception qu'on en a. Et puis, je voulais parler aussi, moi, un petit peu, du rapport entre le cinéma et les réseaux sociaux. Donc, tu l'as dit, on a tendance à scroller, et tout le monde, malheureusement, tout le monde est affecté par le virus TikTok, Instagram. Mais ça peut quand même être un outil assez intéressant pour le cinéma. Et je pense notamment aux edits. Pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est sur les réseaux sociaux, les edits, c'est des courtes vidéos qui sont en fait des montages de différents extraits de films ou séries, souvent, ou même de vidéos réelles, de stars, par exemple, dans la rue, et sur une musique entraînante, avec des fondus enchaînés, stylés, qui plaisent au public. Et du coup, sur des petites vidéos assez rapides, on peut avoir un très bon aperçu d'un film ou d'une série, et ça peut nous donner envie d'aller regarder le film. Et puis même, sans parler des extraits de films qui circulent sur les réseaux, en fait, ça peut être une très bonne manière d'appâter le public et de donner envie de voir les films en montrant des tout petits extraits, ce qui convient vraiment à la versatilité un peu du cerveau quand on va sur les réseaux sociaux. Oui, c'est clair. Et moi, je trouve que ça a été très vrai pour Vice Versa 2. Je compte même plus le nombre de stories que j'ai vues en mode « je suis allée au cinéma, non. » Il y avait vraiment la photo dans la salle de cinéma et c'était vraiment genre... Ça a incité à aller au cinéma, du coup c'est assez fort quand même, je trouve. Sinon, j'avais envie de parler de quelque chose d'autre. Moi, je trouve que le cinéma, c'est vraiment une source d'inspiration. Parce que dans un film, il y a vraiment de tout. Il y a à la fois des couleurs, de la musique, des images. Parfois, on découvre des choses, donc des faits historiques, des trucs comme ça. Il y a vraiment... Et je trouve que quand on sort... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, quand je sors d'une salle de cinéma, j'ai la tête qui est remplie de couleurs, d'images, de projets. Oui, oui. Je trouve ça vraiment très inspirant d'aller au cinéma. Et je devrais aller au cinéma plus souvent, je trouve. Je suis totalement d'accord. Moi aussi, j'aimerais y aller plus souvent. Et puis, c'est... Ouais, c'est vraiment... T'es complètement immergé dans un film. Et en fait, ton cerveau, il ressort modelé par le film. Et on pense comme le film qu'on vient de voir, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, bah j'ai tendance à parler, enfin dans ma tête, à penser avec la voix d'un des personnages, par exemple, pendant quelques temps après le film, ah, genre une heure génial, ou deux. Ça. Oui, et ouais. C'est un peu bizarre, mais c'est fou. C'est incroyable. Je trouve que quand on voit un film aussi, surtout moi quand c'est un film avec des acteurs qui sont plutôt jeunes, j'ai tendance à me dire, purée, et si j'étais à leur place? Oui, genre, et si c'était oui, moi qui jouait dans un film, ça serait fou, ça donne mais très envie, je trouve. L'identification au personnage, c'est vraiment un truc super fort au cinéma et même dans les séries d'ailleurs. Et ouais, c'est vraiment surtout avec dans les années 80, il y a eu une immense vague de films adolescents avec teenage movie, des bandes de potes qui font des aventures. Je pense aux Goonies et puis je pense même à Stranger Things qui a fait revivre ça. Et Friends. Et, oui, exactement. Mais exactement, il y a plein de sitcoms, de séries comme ça et de films. Et en fait, quand tu vois ça, comment s'empêcher de s'identifier aux personnages? Ça donne juste envie de vivre comme eux, faire comme eux. Et ouais, c'est un pouvoir incroyable que le cinéma a. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que disait Niels sur le cinéma engagé, qu'il est toujours engagé. Et en fait, oui, quelque part, il a toujours un impact sur nous. Peu importe le message qui est véhiculé, il y a toujours de l'influence sur le spectateur. Ouais, c'est clair. Et puis ouais, on est tellement imprégné de cinéma qu'on a envie de faire de notre vie un cinéma. Enfin, je trouve, moi, oui. C'est vraiment le truc quand tu sors du cinéma. Et c'est différent du coup de quand tu regardes un film chez toi. Parce que moi, j'ai jamais ressenti cette sensation de j'ai la tête pleine de rêves, pleine de couleurs quand j'ai regardé un film chez moi. Même si je les regarde dans des conditions où je les regarde le soir, dans le noir avec ma famille. C'est jamais pareil. Donc il y a vraiment... pas cette saveur du cinéma en tant que lieu. Mais oui, et puis Oscar Wilde disait bien que la vie imite l'art. Enfin, c'est exactement ça en fait, on imite l'art, le septième art. Et y a justement, en parlant d'art, je voulais parler du lien, évidemment, entre la musique et le cinéma. Ah, c'est clair. Parce que pour moi, vraiment, c'est la clé de tout. Et un film avec une bonne bande-son, c'est un film magistral, si évidemment le propos est cohérent. Mais la musique, ça fait tout. Et je trouve ça fascinant de voir à quel point la musique, ça peut influer sur le propos et surtout sur ce qu'on voit, comme ça peut véhiculer des émotions, même des musiques sans paroles. Même véhiculer un message, même un ressenti, mais c'est vraiment magique pour moi. Ouais, le cinéma, c'est un concentré de tout ça, je trouve. Exactement. Et puis, c'est incalculable le nombre de chansons et de BO qui sont devenues ultra connues. C'est clair. Je pense à la chanson Ghostbusters, dans le film Ghostbusters. Mais c'est incroyable parce que même la chanson en elle-même peut être écoutée en dehors du film et plaire, donner envie de danser. Et c'est vraiment... je trouve que c'est deux formes d'art qui se complètent totalement. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose, c'est complètement anecdotique, mais là, c'est notre septième émission de cours Le Vieux Monde est derrière toi, et on fait une émission sur le septième art. Est-ce que c'est pas un signe du ciel, sincèrement? C'est un signe, tout était pensé, tout était voulu. C'est vraiment génial. T'as des trucs à rajouter ou Je ferai peut-être un dernier petit hommage à David Lynch qui est mort la semaine dernière. Oui. Le grand David Lynch au-dessus de tout, magistral. Et voilà, en parlant de cinéma, on ne peut s'empêcher de penser à lui, celui qui a rendu la frontière entre les films et le cinéma encore plus fine, avec Twin Peaks par exemple. Donc voilà, une petite pensée pour lui, une grosse pensée pour lui. C'est clair. On n'a pas fait cette émission exprès pour qu'il meure, c'était vraiment pas fait exprès. C'était pas coïncidence. Coïncidence. Et bah, ainsi s'achève cette 7e émission sur le 7e art. Avant de finir, je voulais faire une petite dédicace à une petite star exceptionnelle que je vais appeler JB, qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé un message tout à l'heure quand j'ai parlé, quand j'ai expliqué que Lou, j'avais grandi avec elle. Elle m'a envoyé un message, je cite « Hey, t'as grandi avec moi aussi ?» Oui, j'ai grandi avec toi. Je te fais cette petite dédicace. Et je voulais aussi envoyer un petit mot, une petite pensée à Cassandre, qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. On te fait plein de bisous. On pense à toi, Cassandre. Oui, reviens-nous. T'étais avec nous par la pensée, par la musique aussi. Exactement, par le cinéma, tout. Et ben juste après cette émission, il y a une petite rediffusion de Plus fort, j'entends rien. Allez l'écouter, voilà, si vous avez un peu de temps. À 19h. Exactement. Et ben on espère que cette émission, elle vous a plu. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer et à l'enregistrer. Moi aussi. Et voilà, on vous dit au mois prochain. On vous embrasse. Et on se quitte en musique avec Tudor Cinema Club. Le nom parle de lui-même. Thank you.